d'une petite voix, comme il n'en avait jamais eu. D'une petite voix, comme il n'en avait jamais eu. Il parle de l'amour et de la joie sans être cru. Il parle de l'amour et de la joie sans être cru. Quel mal vous a fait la pauvre créature? Quel mal vous a fait la pauvre créature? Pourquoi riez-vous et lui portez malheur? Si vous ne comprenez pas, au moins ne riez pas. Quelques doigts, le clown se meurt d'une petite voix, comme il n'en avait jamais eu. Il parle de l'amour et de la joie et de la joie. Rallumez les lumières, puisque le clown est mort. Rallumez les lumières, puisque le clown est mort. Et vous applaudissez, admirez son effort. Et vous applaudissez, admirez son effort. Quelques doigts, le clown se meurt sur un petit violon et pour quelques spectateurs. La page Facebook, ah, vous voulez qu'on en parle? Eh ben, on va en parler. La page Facebook, la cerise sur le canto, eh bien, si vous y allez, vous allez retrouver tous les titres des chansons de l'émission qui sont repris et numérotés. Et ainsi, vous pouvez établir votre tiercé, le publier, le comparer et peut-être gagner le cadeau mis en jeu. Voilà, à vous de jouer, ça ne vous coûte rien du tout, il vous suffit de jouer. On va passer à la sélection du jour, n'est-ce pas? Les chemins de Stone et Chardin se sont croisés en 1966, année où ils se sont mariés. Menant chacun de son côté une carrière séparée, ils décidaient de former également un couple sur scène en 1971. Et puis, déchirés par des tensions artistiques, médiatiques et amoureuses, eh ben le duo a divorcé en 1974. Cela dit, ils réapparaîtront côte à côte dans les années 90. Tous deux furent nommés chevaliers de l'ordre de la Légion d'honneur en 2012. Et c'est malheureusement l'année du décès de Chardin, une chanson de 1973, Made in Normandy, Stone Chardin. Je suis américain et je vis en Pennsylvanie. En 1944, j'étais sergent dans l'infanterie. Jeannette et moi, on s'est mariés, c'était le mois de mai. On m'a parachuté sur un village français. La guerre, Jeannette, je te l'ai racontée, mais dans mon cœur, j'ai toujours gardé les vaches rouges, blanches et noires, sur lesquelles tombe la pluie, et les cerisiers blancs, mais du Normandie, une mare avec des canards, des pommiers dans la prairie, et le bon cidre doux, mais du Normandie, les semets du Normandie, les pommiers du Normandie, un petit village plein d'amis. Et puis les filles au jour rouge qui donnent aux hommes de la part, qui donnent aux hommes de l'amour, l'amour mais du Normandie. Oh oui, les filles au jour rouge qui donnent aux hommes de la part, qui donnent aux hommes de l'amour, l'amour mais du Normandie. Je suis américaine. Je suis née à Philadelphie. En 1944, tu es partie loin de ma vie. J'ai mis dans ton blouson un peu de terre de notre pays. J'ai tremblé en je l'ai raconté, mais dans mon cœur, j'ai toujours gardé les vaches rouges, blanches et noires, sur lesquelles tombe la pluie, et les cerisiers blancs, mais du Normandie, une mare avec des canards, les pommiers dans la prairie, et le bon cidre, le tout, mais du Normandie, les semets du Normandie, les femelles du Normandie. Une évocation de quatre grands personnages. Le premier, c'est Henri de Montfred, un écrivain, commerçant, aventurier et navigateur. Il a mis en scène sa vie d'aventurier, centrée sur la mer Rouge et l'Éthiopie. Le second de ces quatre personnages, c'est Bernard Moitier, navigateur, écrivain, bref, un homme libre. Le troisième, au corps plongé dans l'eau, oui, Archimède. Archimède, physicien, mathématicien et ingénieur. Et le quatrième de ces grands personnages, c'est Roger Frison Roche, écrivain, vous vous souvenez, premier de cordée, alpiniste et explorateur, et également arrière-grand-père de Yves Dutheil. Le passeur de lumière, c'est une chanson de 2017, Yves Dutheil. Je connais par bonheur un passeur de lumière, amoureux des étoiles et curieux de la terre, emporté par son rêve, À des années-lumière, un jour il est parti jusqu'au seuil du désert pour suivre une comète qui lui faisait de l'œil à travers sa lunette. Ça me fait tant de bien de savoir qu'il existe des hommes tels que lui qui souffrent et qui résistent. Son regard bleu si clair, de sage et de marin, posé sur l'univers, m'a montré le chemin. Sa passion pour hier m'aide à croire en demain. Un peu de frison roche, un soupçon d'Archimède, un grain de moitié cire et d'Henri de mon frère. Émerveillé, anonyme et modeste, il m'apprend à aimer par la beauté du geste. Les fricheurs de l'azur, l'œil toujours en alerte, il marche à l'aventure, là à la découverte, devant l'immensité qu'il nous reste à connaître. Quoi sert de rêver si ce n'est pour transmettre? Lorsque l'élève est prêt, arrive alors le maître. Un peu de frison roche, un soupçon d'Archimède, un grain de moitié cire et d'Henri de mon frère. Le cœur émerveillé, anonyme et modeste, sa mémoire, il m'a ouvert les cieux et m'a confié un soir, quand je serai trop vieux, un jour j'y verrai moins, et tu seras mes yeux. Jamais il ne s'endort sans saluer la nuit, je bénis ce trésor, partagé avec lui, en passeur de lumière. Il éclaire ma vie. Un peu de frison roche, un soupçon d'Archimède, un grain de moitié cire et d'Henri de mon frère. Le cœur émerveillé, anonyme et modeste, il m'apprend à aimer par la beauté du geste. Un peu de frison roche, un soupçon d'Archimède, prochain titre est une chanson de Aristide Bruand, chanson qui s'appelle « À la roquette ». C'est effectivement à la roquette que se situaient les établissements pénitentiaires de Paris. Bon, c'était dans le 11e arrondissement. Ces prisons ont été ouvertes en 1830 et ont été fermées seulement en 1974. Mais c'est vrai que les peines étaient différentes et que la peine capitale existait encore. Et la chanson met en scène un prisonnier qui écrit une dernière lettre à son épouse la veille de son exécution à la roquette chantée par Marc Augeret. On a un meilleur confort d'écoute qu'avec les disques d'Aristide Bruand. Allez, à la roquette, Marc Augeret. En t'écrivant ces mots, je frémis tout mon être. Quand tu les liras, j'aurai mis les à la fenêtre. Je suis réveillé depuis minuit, ma pauvre Toinette. J'entends comme une espèce de bruit à la roquette.

La prochaine chanson a été écrite par Alain Souchon et composée par Laurent Voulzy. Et cette chanson est sortie en 1992. Elle évoque le pouvoir des fleurs, leur message et leur symbolique. Jasmin, lilas, rose et géranium, perçus comme un hymne à la paix et au respect de la nature et de l'environnement, cette chanson est devenue emblématique pour l'écologie, puisqu'elle appelle au respect de la nature et notamment au respect des animaux. Le pouvoir des fleurs, Laurent Voulzy. Je me souviens, on avait des projets pour la terre, pour les hommes comme la nature. Faire tomber les barrières, les murs, les vieux parapets d'Arthur. Fallait voir, imagine notre espoir. On laissait nos cœurs au pouvoir des fleurs, jasmin, lilas. C'était nos divisions, nos soldats, pour changer tout ça. Changer le monde, changer les choses avec des bouquets de roses. Changer les femmes, changer les hommes avec des géraniums. Je me souviens, on avait des chansons, des paroles comme des pétales et des corolles. La rue Saint-Vincent, bah c'est une rue du 18e arrondissement de Paris, comprise en partie dans le quartier de Montmartre. La chanson suivante donc est d'Aristide Bruand, Rebelote. Elle avait sous sa toque de martre sur la butte Montmartre un petit air innocent. On l'appelait Rose, elle était belle, la santé bon, la fleur nouvelle, rue Saint-Vincent. Rue Saint-Vincent, mais cette fois interprétée par Patachou. Elle avait sous sa toque de martre, à la butte Montmartre, un petit air innocent.

ce que tu crois, on n'oublie pas, il y a toujours en nous une place pour toi. Et son cœur saigne et nos mains tremblent, mais la lueur de ton retour nous donne espoir et nos corps lourds se lèvent enfin pour te rappeler qu'on est des amis. Et c'est ainsi que prend fin la cerise sur le canto numéro 11. Merci à Yves pour la réalisation technique et merci à vous de nous avoir écoutés. Prochaine cerise sur le canto, c'est dans 15 jours, mais nous serons néanmoins avec vous dimanche prochain pour Patchwork à l'écoute des musiques du monde. Et puis rendez-vous également sur notre page Facebook, la cerise sur le canto. En attendant, soyez heureux en écoutant Radio Fadjet Nancy 94.2 ou sur le net fadjet.net. Au revoir.